Dans un livre dont le sous-titre est « Quand l'Amérique était sous acide », paru en France en 1994 aux éditions du Lézard, ils publient leur enquête et décrivent ce moment singulier où les scientifiques de la CIA, après cette expérience sur un employé de l'agence, pensent avoir enfin trouvé la formule du sérum de vérité. Je les cite. C'était presque trop beau pour être vrai. Une drogue qui non seulement déterrait des secrets enfouis au plus profond de l'inconscient, mais provoquait une amnésie ponctuelle pour la période où elle était active. Une découverte d'une portée stupéfiante. La nouvelle de cette percée mit la CIA sans dessus-dessous et ébranla l'ensemble de la hiérarchie jusqu'au sommet. Sippy Snow a dit un jour « L'euphorie du secret est quelque chose qui lui monte à la tête ». Après des années de patience, ils étaient sur le point de mettre la main sur le Saint Graal de l'espionnage. Pour reprendre la phrase d'un agent de la CIA, nous pensions avoir trouvé la clé de l'univers. Juste sorti des laboratoires de la CIA. secret et quelque chose qui lui manque.